15 mars 2017, mon nom est Louis Martinguet et bienvenue à cette première édition de Basecar. On est maintenant avec Philippe Debay. Salut Philippe. Bonjour Louis-Martin. Je suis très content qu'on fasse ce petit projet ensemble. Ben oui, tout à fait. Parler de baseball et puis donner notre opinion, mais en ayant beaucoup de plaisir, surtout à suivre le baseball aussi. Ben oui, puis déjà juste de parler de baseball comme ça, on est persuadé que le printemps s'en vient plus vite. Oui. Ben, moi, ça fait bien mon affaire. On dirait pas qu'il neige dehors encore aujourd'hui. Non. On va faire le tour dans la première séquence des divisions cette année. On a vu se mettre en branle les camps d'entraînement. Puis, il y a certaines prédictions qu'on peut faire, mais il y a quand même des équipes à surveiller qui sont dans les limbes un peu, entre une équipe gagnante et équipe peut-être décevante. Et des équipes que s'ils arrivent à mettre tous les ingrédients en même temps en marche, ben ça peut surprendre et se classer pour les meilleurs deuxièmes, par exemple. Exact. On s'est séparé un peu la tâche, donc t'as choisi de parler de la nationale et avec raison. Donc, je te laisserai un peu faire le tour de nos trois belles divisions de la Ligue nationale, puis je me gênerai pas à intervenir. Commençons par l'Est. Oui, ben l'Est, c'est probablement la division qui est une des divisions les plus faciles à cibler. Les deux équipes qui vont se battre pour la première place et les autres ensuite. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Les Washington et les Mets de New York devraient se battre pour la première place, mais selon moi, ça ne sera pas une bagarre qui va durer toute l'année. À un moment donné, Washington devrait assez facilement se détacher. Parce que non seulement ils ont des bons lanceurs, chose que les Mets ont aussi, même s'ils ont beaucoup de points d'interrogation au niveau de la santé, les Mets, ben Washington, en plus de ça, ils ont les bons frappeurs à toutes les positions, à peu près. Ou presque. Avec des bons jeunes, la rapidité, de la vitesse. À part le bon vieux Jason Vert, qui a à 39 ans, payé trop cher, puis est plus capable de jouer en défense. On est un peu tanné de le voir, ouais. Jason Vert. Dernière position, est-ce que ça va se battre pour la dernière dans cette division-là? Qui va ramasser le reste? Ça va jouer entre les Braves d'Atlanta et les Phillies de Philadelphie. Moi, personnellement, je donnerais... en fait, les Braves ont quand même quelques vétérans qui peuvent faire la différence. Oui. Ils ont le meilleur joueur, probablement, de toute la division. Freddie Freeman, avec la Lincoln. Oui, tout à fait, c'est ça. Ils ont... Kemp a quand même connu une bonne saison l'année passée. Ils ont Swanson à l'arrêt court qui peut exploser. Oui. Mais je sais pas pourquoi, moi, j'aime bien les jeunes des Phillies. J'aime bien la rapidité. J'aime leurs jeunes lanceurs qui en seront à une deuxième saison, ce qui peut faire une bonne différence dans la carrière d'un lanceur partant. Alors moi, je ne serais pas surpris que les Phillies de Philadelphie terminent devant Atlanta. Moi, je vais oser dire que les Braves ne devraient pas finir dernier cette année, mais c'est surtout parce que l'expérience qui a été ajoutée, garantie, disons, d'un petit travail autour de 500, un peu plate, là, avec Jimmy Garcia, puis les deux vieux, et aussi l'ajout de Brandon Phillips, augmente de beaucoup la qualité de la défensive. Et dans le cas où on a des lanceurs un peu vieux, qui vont avoir tendance à donner beaucoup de coups sûrs et ou de ground ball, comme on dit, donc de frappe au sol, je pense que l'avant-champ et évidemment le gant doré dans le champ centre à Atlanta, vont faire une grande différence sur les points comptés. Et là, on pourrait peut-être s'en sortir pour 73-15 victoires, peut-être. Oui. Ça pourrait être intéressant. Objectivement, je pense qu'Atlanta a une meilleure équipe que Philadelphie. Mais c'est vraiment un petit coup de cœur. Les jeunes, moi, à Philadelphie, j'aime beaucoup les jeunes à Philadelphie. Ils sont très plaisants. Ouais. La centrale, maintenant, évidemment, les champions en titre, une équipe on a l'impression presque inarrêtable. Tout à fait. En fait, moi, je pense qu'on est le témoin là, d'un 10 ans de dominance. À ce point-là? Ah oui, je pense que oui. Je pense qu'on rentre dans la table que les Yankees ont occupée, que les Braves ont occupée. Je pense que s'ils jouent bien leurs cartes, parce qu'ils sont encore jeunes, hein, les bons joueurs Chicago sont jeunes, ils pourront, quand ils auront un lanceur qui va devenir trop vieux, ils pourront aller en chercher un autre sur le marché des joueurs autonomes, etc. Moi, je pense qu'on a un 10 ans devant nous où les Cubs seront ou premier ou deuxième dans leur division. Mais là, Louis, peut-être que tu ne m'aimeras pas, mais moi, s'il y a une chose que mes 30 années de témoins de baseball m'ont appris, c'est de ne jamais compter les Cars de Saint-Louis. Ah oui, ben non, mais moi je commence à... J'ai fini par être obligé de m'y faire, même si j'aime vraiment pas les Cars. Chaque année, avec les filiales quand même assez exceptionnelles, toujours finissent par trouver des joueurs qui, même s'ils ont des statistiques pas nécessairement brillantes, là, sortent leur épingle du jeu. Toujours. Soit pour la puissance. Ils ont toujours un piscotier qui va arriver, qui va bien produire, qui va bien. Grey Shock, il y a 2 ans, il y a eu plus de difficultés. Mais ils ont toujours ce genre la de série de clones, comme je les appelle, finit toujours par. Non, mais ils font un bon travail, on peut pas leur enlever. Non. Moi, ce que la seule chose où là, je suis un peu moins d'accord, c'est que je trouve que la défensive à Saint-Louis cette année est assez faible. Okay. Alors, j'espère que même si les lanceurs qui reprendront du poil de la bête de leurs blessures passées réussissent à faire une bonne année, que la défensive ne va pas leur gâcher ça. Tout à fait. Moi, j'espère qu'on va voir Reyes cette année. Mm-hmm. Et moi, en tant que fan de poule de baseball, je garde un œil sur Reyes, c'est sûr. Ben, tu vas voir un Reyes à probablement jouer, mais pas le bon. Non? Ben, il va avoir José Reyes en quelque part, en tout cas, qui va se promener. Oui, que... Mais José Reyes, il va jouer avec les Mets. Hein, oui, mais il va être surpayé toujours. Oui, ça, c'est sûr. Et on fait quoi avec les autres, là, nos beaux pirates? Moi, j'y crois plus aux pirates. Je pense que c'est la longue agonie qui commence cette année. Je sais que t'es pas tout à fait d'accord avec moi parce qu'ils ont. C'est vrai qu'ils ont des bons jeunes lanceurs, mais je trouve qu'il y a tellement de points d'interrogation. Et mis à part leur trio de voltigeurs, qui, à mon sens, est un des plus beaux à voir jouer dans le baseball, leur avant-champ est médiocre même, je dirais, presque. Ben, avec le gant, ils font un bon travail. Oui. C'est sûr qu'arrivé au bâton, là, il y a beaucoup de questionnements. Mais beaucoup. C'est pas juste un petit peu. On se demande qui va être capable de faire 60 points produits. Là, il y a peut-être, Cam au troisième but. Encore là, il va falloir qu'il règle ses problèmes à l'extérieur du terrain. Puis, c'est pas fait, en tout cas. Oui. Ben, voilà, donc, j'y crois plus ou moins. Et les deux autres équipes, je suis quand même curieux de voir les Brewers, parce qu'ils ont des bons jeunes. Ils ont eu des blessures qui reviennent. On va voir comment leurs jeunes vont... Mais il n'y a tellement pas de lanceurs partant que je vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Et Cincinnati, c'est simplement une équipe qui... j'aime bien Joey Votto, le bon Canadien qui fait tout bien. Et le Canadien errant un peu à Cincinnati. Oui. Mais honnêtement, c'est une équipe qui m'intéresse assez peu. On se demande ce qu'ils font avec leurs lanceurs partants. Oh, ils vont aller chercher un vétéran. Non, finalement, plus de vétéran, un autre jeune. Non, en fait, ça m'intéresse pas tant qu'ils se seront pas fixés sur une marche à suivre. Cincinnati m'intéresse pas. Avant, on semblait dire que les lanceurs partants étaient gaspillés par Dusty Baker, mais là, ça fait 3 ans qu'il est parti et ça n'a pas été réglé. Donc, il y avait peut-être un cancer beaucoup plus fort que Dusty dans l'organisation des Reds. Maintenant, du côté de l'Ouest de la Ligue nationale, il y a des belles choses à regarder cette année aussi. Oui, mais en fait, moi je pense qu'au moins jusqu'au mois d'août, on va avoir une course à 2 équipes sûres, peut-être 3 et peut-être même 4. Moi, je pense qu'il y a au moins 4 équipes qui peuvent prétendre à être de bonnes équipes de baseball. Même devant l'équipe que j'aime le moins, là, même avant Saint-Louis, celle des Dodgers. Oui. Est-ce qu'avec tous leurs millions dépensés, au-dessus d'une centaine de millions dans le dead money, comme on appelle, ils seront vraiment inquiets par d'autres? Il y a d'autres gens qui parce qu'il y a les équipes ont bien travaillé autour d'eux. En fait, les Giants de San Francisco ont toujours des bons joueurs à peu près toutes les positions. Ils ont toujours de bons lanceurs partant. Ça ne changera pas. Donc, il va toujours avoir une compétition qui va venir des Giants, qui est un peu comme les Cards de Saint-Louis. Ils réussissent toujours à trouver le joueur qui n'est pas flamboyant, mais qui fait bien le travail et qui leur permet de gagner. Mais moi, cette année, il y a d'abord les Diamondbacks d'Arizona, que moi, je ne déteste pas du tout. Ils ont quelques points d'interrogation chez les lanceurs, mais ça reste du talent. Ils ont du talent pour lancer. Et ils ont à peu près un bon joueur de balle à peu près toutes les positions. Et parmi ceux-là, de très très bons joueurs comme Goldschmidt, au premier but, c'est un merveilleux joueur de balle. Et A.J. Pollock, au voltigeur de centre, c'est un très bon joueur de baseball. Dans le champ droit, il y a Peralta, qui est un excellent joueur de baseball aussi, qui peut tout faire sur un terrain. Je pense qu'ils sont en train, ils sont très patients aussi avec leurs jeunes comme Owings à l'arrêt court. Ça fait plusieurs années qu'ils le gardent. Je pense que l'expérimentation, malheureusement, est passée date là, dans le cas de Mika Owings, mais on verra comment... Mais il fait partie d'une équipe. En fait, ils bâtissent un peu leur équipe comme on bâtit une équipe de hockey, je trouve. Ils laissent la chance à leurs jeunes. Ils ont développé leurs joueurs. Moi, en fait, c'est une équipe que j'aime bien, mais je ne crois pas qu'ils vont gagner le championnat, ni même être meilleur deuxième, mais ils vont être dans la course jusque très tard. En tout cas, on peut dire qu'ils ont fait le bon mouvement là, en enlevant Larusso et Stewart de là. Ça va probablement faire du bien. Encore là, ce qui est sur le terrain pour moi, ça reste l'équipe de Larusso et Stewart. Et à mon avis, ça vaut pas grand-chose dans le long terme. Okay. On verra. Okay, mais je pense que c'est un des pires duos qu'on a eu dans le baseball dans les 10 dernières années pour... organiser une équipe correctement. Okay. Mais il y a des talents exceptionnels individuels, ça c'est évident. Ça c'est évident. Ouais, ouais. Et Colorado, je pense, pour la première fois depuis longtemps, peuvent prétendre avoir assez de bons lanceurs partants pour compétitionner, comme je le disais, jusqu'au mois d'août. Après ça, on va séparer les hommes des enfants et les lanceurs, étant donné qu'ils jouent au Colorado, vont probablement être plus fatigués que les autres, etc. Mais ils ont quand même de bons jeunes lanceurs qui ont des bonnes balles rapides, des bonnes balles à effet, qui commencent à être capables de qui commencent à bien gérer leur match de plus en plus. Alors, et ils ont un alignement de frappeurs dévastateur, oui, à mon sens. C'est un peu toujours le cas, mais là, on a des frappeurs qui sont capables de faire beaucoup plus que la longue balle. Et en plus, dans la majorité des cas, c'est pas pour tous, mais bon jeu en défensif. En défensif, donc ça va aider les lanceurs. Ça, c'était aussi le problème beaucoup au Colorado. Oui, tout à fait. Et, à mon sens, ils ont un joueur qui est destiné au temple de la renommée. Peu importe s'il joue au Colorado. Pour moi, Nolan Arenado est un excellent joueur de baseball, un frappeur monstrueux. Et pour moi, pour lui, d'après moi, Colorado a très peu à voir. Il y aurait de très bons chiffres partout. Oui, on disait ça de Todd Helton, on verra. On est certain qu'il ne sera sûrement pas admis au temple de renommée, Todd Helton, mais bon, on verra avec le temps. Et évidemment, ce qui reste dans le fond, un peu comme toujours, l'équipe qui a investi des millions et des millions, qui est d'ailleurs deuxième sur la liste des équipes avec le plus d'argent perdu après les Dodgers, ce qui est un peu absurde, mais avec plus de 50% de sa masse salariale dans le dead money. Les magnifiques Padres de San Diego. On se demande vraiment où ils s'en vont. Il y a des bons jeunes joueurs. Oui, là, maintenant, ils commencent à amener de bons jeunes. Je pense qu'ils font un meilleur travail maintenant avec leurs jeunes lanceurs. Mais on est encore à au moins 4-5 ans. C'est tout dire, quand la grande force de l'équipe, c'est la relève. Oui. On va se dire que bon, ça devrait aller à partir de la 7e, mais aller jusque-là, ça risque d'être un peu n'importe quoi. En fait, c'est très peu probable de se bâtir une équipe championne quand tu commences par bâtir la relève. Ouais. On peut dire que Cincinnati est presque arrivé dans les années 90, début des années 90, mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On va se transporter de l'autre côté, puis on va aller du côté de l'Est de la Ligue américaine, où là, on a tendance souvent à dire que c'est la division la plus compétitive. Il est certain que c'est la division avec laquelle, dans laquelle on retrouve les meilleurs frappeurs de puissance très souvent. C'est pas là nécessairement qu'on retrouve les grands frappeurs de moyenne ni les grands joueurs en défensive. Mais dans certains cas, il y en a qui réussissent à faire l'exception, dont des magnifiques joueurs de Boston qu'on appelle Xander Bogaerts ou Mookie Betts ou même Jackie Bradley Jr. qui, eux, en plus d'être nés dans les entrailles, disons, du système de Boston, ont un jeu offensif et défensif exceptionnel. Puis moi, je suis content qu'on commence en parlant d'eux quand on parle des Red Sox, parce qu'on a tendance à tout de suite parler de l'argent, des gros contrats, les grosses acquisitions, mais ils ont quand même fait un très beau travail de développement de joueurs. Ça s'est beaucoup amélioré depuis peut-être 5-6 ans, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont réussi à bâtir autour des lanceurs qu'ils ont payé très cher une défensive qui va les aider à rester dans le match. Tout à fait. Parce que si on regarde comment David Price s'est lancé, entre autres, l'an dernier, c'était loin d'être extraordinaire. Non, tout à fait. Mais ça, on lui a permis de gagner certains matchs 6-4 parce que la défensive, entre autres, et l'attaque l'ont tenu dans le match. Et ça risque d'être un peu comme ça encore cette année, à part, évidemment, pour Chris Sale et Rick Porcello qui vont, eux, surfer sur leur année dernière. On aura vraiment probablement une descente, un régime un peu moindre de Porcello cette année, quoique la défensive va l'aider. Oui, tout à fait. Et c'est très drôle parce que quand on arrive dans un stade aussi, moi j'appelle beaucoup le pinball, là, quand on arrive dans un stade aussi organisé de façon, je dirais, aussi anarchique que le fameux Fenway Park, eh ben, ça nous prend vraiment des joueurs en défensive qui vont être capables de faire la différence. Oui, je suis d'accord. Et ils les ont. Un match peut devenir rapidement n'importe quoi. Sinon, j'ai hâte de voir Benintendi. J'ai bien hâte de le voir. Oui, ça c'est pour les recrues. On en parlera peut-être dans la prochaine édition, justement, parce que là, la saison va commencer et on va déjà... en tout cas, il va y avoir un hype autour de ce bonhomme-là, c'est certain. Dans le reste de la division, je pense qu'un peu par défaut, les Blue Jays devraient pouvoir terminer quand même deuxième pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que même si l'attaque certains points est un peu anémique là, avec les Kevin Pillar et puis parfois les réservistes à la Dalton Pompey et compagnie qui viennent faire un tour, sans oublier Justin Smoke. Il reste que derrière le marbre, ils ont un des piliers en défensive qui, surtout pour diriger les lanceurs est exceptionnel. Russell Martin, probablement dans les quatre meilleurs releveurs en défensif. Loin derrière Gandal et puis Posé, mais quand même toujours fort. Et là, ben les lanceurs qui n'étaient pas nécessairement tous des top prospects, comme on dit, finissent par faire des saisons assez exceptionnelles. Oui. On parle d'Estrada, évidemment, J.J. Happ, qui a toujours été la plus grande surprise pour moi, mais les deux saisons qu'il a fait avec Martin était très bonne, ne serait-ce qu'à Pittsburgh et encore l'an passé. Mais toi, tu les mets en deuxième position, mais est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'ils vont se battre pour le meilleur deuxième? Selon moi je pense que Toronto va être meilleur deuxième, peut-être à égalité avec Seattle. Donc, selon moi, il y a trois équipes de l'Ouest qui vont jouer clairement pour 500 et on devrait retrouver Toronto autour de 84-85 victoires, ce qui les mettrait soit meilleur deuxième ou à un match décisif à la fin de l'année. Moi, je les vois pas jusque-là. Moi, je pense que... Je suis généreux dans ce cas-ci, c'est surtout parce que je crois que les Yankees vont nous offrir une belle saison pour une des premières fois avec des jeunes maintenant. Oui. Mais que au niveau des lanceurs partants, je vois pas du tout où est-ce qu'on s'en va. Je pense pas. Non, effectivement, je pense que les Blue Jays sont une coche en haut des Yankees. Mais je vois pas comment tu peux perdre les 47 coups de circuit sans le remplacer par rien. Ben non, on l'a pas remplacé par rien. C'est vrai, il y a Morales. Kendry Morales a fait la preuve dans les deux dernières années qu'il était un bon frappeur pour ramasser entre la scrap un peu, là, un vrai quatrième ou cinquième, là, un clean-up comme on appelle. Et il devrait quand même, malgré tout, c'est un peu un demi-joueur, incapable de jouer dans le champ et capable de courir de toute façon. Oui. Mais pour ce qui est des circuits, une trentaine facilement dans un stade qui est assez favorable, surtout du côté gauche. Je pense qu'il devrait s'en sortir et par défaut, Toronto devrait finir bien au-dessus de 500. Moi, je vois Baltimore avant. Baltimore, c'est le même problème. Je les aime pas beaucoup, mais je trouve pas les lanceurs partants, à part les deux jeunes qui vont probablement tirer leur épingle du jeu, exactement, mais ils sont peut-être pas prêts à tirer l'équipe. Et quoique tout ce qu'on a en relève est très, très bon, c'est un club de frappeurs de circuit. Oui. Et là, il faut vraiment voir jusqu'où ça peut se rendre. Là. Il y a une limite à ça, peut-être. Surtout que les gens ont un peu vu l'année passée, là, les bons frappeurs de circuit commençaient à s'élancer sur des tirs de plus en plus à l'extérieur de la zone des prises. Et quand on a trois joueurs qui vont faire 150 retours au bâton et plus dans l'alignement, on finit peut-être par manquer d'essence à la fin. Mais... Surtout que moi, je vois peut-être... Je vois les promesses du côté de Tampa Bay. Je pense que Tampa Bay est dans les trois meilleures défensives des majeurs et que, nonobstant le fait que peut-être au niveau du receveur, c'est pas encore clair, on a des bons partants qui vont bien s'en sortir et que les frappeurs commencent à prendre de plus en plus de galons. Kiermaier, si on le fait frapper deuxième comme l'an dernier, il a montré qu'il était capable de puissance. Donc, c'est une formation qui va scier autour du 500 aussi. Donc, je trouve qu'on a presque pas de véritable mauvaise équipe. Mais on n'a rien d'extraordinaire comme Jeff Sullivan l'écrivait. Tampa Bay, moi, je suis un peu moins optimiste que toi. Je vois encore une autre année un peu de misère. Mais je suis assez d'accord avec la perception de l'équipe, mais c'est simplement, je les vois avoir plus de difficultés que ça, d'autant plus qu'ils ont une historique de blessures pour leurs lanceurs partants. Ils sont assez super bons. Mais on verra cette année. Là, Alex Cobb est revenu. Quel lanceur est-ce qu'il va être? Est-ce que ça va être un lanceur comme dans les meilleurs de la Ligue ou au contraire, beaucoup de difficultés à continuer? Parce que c'est sûr qu'avec lui et Archer, si Cobre devient ce qu'il est capable d'être, ça peut être très bon. Et puis, Orzidi qu'il n'a pas encore trois lancers efficaces, mais qu'il peut faire un bon travail. Et évidemment, le jeune Snell, qui lui pourrait peut-être une recrue de l'année. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Dans le centre, je pense qu'il n'y aura pas photo. Là, Cleveland a démontré par plusieurs types de stratégies, autant le bâton que les lanceurs partants, que la relève, qu'ils étaient probablement, c'est pas la meilleure équipe, en tout cas dans les trois meilleures équipes des majeures. Tout à fait. Ils ne se sont pas rendus nez à nez avec les Cubs en série mondiale pour rien, malgré qu'ils étaient ils étaient acharnés un peu par des blessures à leurs lanceurs partants. Salazar et Carrasco en forme, tout en assumant que peut-être il y aura d'un côté Bauer, peut-être qui aura de la difficulté cette année. Disons qu'on a un partant qui aura de la difficulté. Oui. Selon moi, ce sera Trevor Bauer. On va quand même avoir trois partants très solides et une relève exceptionnelle. Oui. Alors là, on a juste besoin d'un trois bons coups de bâton et ils les ont. Encarnacion, évidemment. Ils sont allés chercher Encarnacion en plus. En plus de ce qu'ils avaient. Donc, Kipnis va se rendre sur les buts. José Ramirez a montré qu'il pouvait faire frapper autour de 300 et être régulièrement sur les buts, ça, c'est quelque chose. Et on verra si, bon, Lindor, c'est déjà une grande vedette, on verra si Dr. Smoot, Michael Brantley, sera capable de revenir. Si lui revient, ouais, ils vont s'en aller. C'est super, mais est-ce qu'il va vraiment revenir à la forme qu'il avait avant de partir? Surtout que là, il a passé la trentaine. On va voir. Ensuite, ben, les Tigers ont des bons jeunes encore et puis des bons vieux. Oui, alors là, si les vieux ne meurent pas complètement dans le processus, c'est-à-dire les Martinez et puis Upton et compagnie, on pourrait avoir encore une bonne saison. Oui. Mais le maximum qu'ils pouvaient faire, je pense, c'est ce qu'ils ont fait l'an passé, passer à un match d'être meilleur deuxième. Tout à fait. Moi, je pense que ça va être une copie conforme un peu de ça. Et je doute que Verlander puisse avoir la même saison. Non, là, maintenant, on passe à Fulmer. Puis surtout, c'est presque 250 manches lancées. Là. C'est atroce, en fait. Selon moi, il ne peut pas répéter Ça. Je lui souhaite, mais ce sera très difficile. Et pour ce qui est des autres, bon, j'ai toujours j'aime beaucoup encore Casey qui nous propose des joueurs extraordinaires, mais on voit qu'il va manquer de munitions, surtout les lanceurs partants avec la perte tragique de Ventura. Oui. Et bon, pour les autres, on va avoir du plaisir. Le relais va baisser quand même. Exactement, oui, David qui est parti. Ouais. Et bon, après ça, on va faire un tour avec les White Sox Minnesota. Je dirais que les White Sox pourraient être un peu plus surprenants si les lanceurs partants se rendent où on pense. Donc, quelques bons éléments peuvent surprendre. Rodon. Rodon n'a jamais contribué encore, vraiment. Non. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il décide de contribuer? Quintana, je pense que c'est clair. C'est un excellent partant. Très bon lanceur. Peut être presque premier partant dans une équipe. Ils ont des bons releveurs. Oui, exactement. Nate Jones est un excellent lanceur. Belle carte cachée. Oui. Alors, on va voir, mais on est quand même vers la fin, probablement, dans ces équipes-là. Et dans l'Ouest, la division la plus intéressante, moi, celle que je considère, en tout cas, une des plus fortes du baseball, dans l'optique où il y a vraiment trois équipes très solides et une quatrième qui peut surprendre, c'est-à-dire la deuxième équipe de Los Angeles. C'est évident que Houston, Texas et Seattle vont travailler très fort cette année. Probablement trois équipes qui vont jouer au-dessus de 500. On souhaite Houston? Moi, je souhaite Houston. Je pense que les joueurs sont d'un talent phénoménal dans certains cas. Springer et puis Correa, Bregman et même l'Altuve puis l'addition de Gurriel cette année. C'est des joueurs qui peuvent tout faire. Moi, j'adore ça. C'est des vrais athlètes, en fait. Oui. Mais danger au monticule, danger aux blessures, danger à la capacité aussi de reproduire les performances passées. Il faudra quand même être prudent à savoir si Colin McHugh pourra vraiment refaire une saison comme il l'a fait il y a deux ans, si la saison Cy Young, ce qu'on ne croit pas, mais il faudra quand même répéter quelque chose qui se rapproche de sa saison Cy Young pour être considéré comme un vrai premier partant. C'est McCullers, je pense. McCullers qui est le meilleur de tous. On ne sait pas s'il va pouvoir lancer une année complète. Alors, c'est un peu dangereux. Et là, on arrive à le jeune Musgrove, qu'on aime bien, mais qui est à sa première véritable année, et des lanceurs de 500 corrects, mais à la McFryers et tout ça, sans plus. C'est sûr. Le point d'interrogation, c'est les partants. Ouais. Parce que sinon, c'est une équipe... Assurément au bâton. Oui. Le dévastateur, en défensive, exceptionnel. Oui. Donc, c'est pourquoi les lanceurs vont peut-être bien s'en sortir cette année. La défensive est superbe. Je dirais la même chose du côté de Seattle. Une excellente défensive, surtout avec l'addition claire, nette et précise là, dans le champ de Dyson et puis de Martin, qui sont d'un côté un des meilleurs gants et de l'autre côté un des meilleurs bras. Et puis, qui vont se rendre sur les buts pour permettre aux trois gros frappeurs, que ce soit Cruz, Seager et puis Cano, de faire avancer tout ce beau monde-là. Mais est-ce que Cruz, il lui reste encore une bonne saison? Il fait 40 circuits à toutes les années. Alors, l'an passé, c'est pas un joueur que j'aime, mais 40 circuits, 300 de moyenne, comme d'habitude. De toute façon, il a presque pas besoin de jouer dans le champ. On peut le mettre DH si on veut. Tout à fait. On sait que c'est un des moins bons joueurs de champ des majeurs, mais bon, on peut le cacher, alors il n'y a pas de problème. Et Texas, on peut jamais les considérer battus. Non. Mais ils ont quand même des bons jeunes joueurs. Et les gars qui veulent pas céder leur place, là, Adrien Beltré. Les gens commencent à dire qu'ils devraient tout le temps de la renommée. C'est sûr que si on regarde que ses chiffres, c'est assez évident. Après ça, il faut regarder aussi son apport dans toute sa carrière. Il faut pas, à plusieurs niveaux. Il ne faut jamais perdre de vue leurs deux premiers lanceurs partants. Oui, exactement. Ce sont de très bons lanceurs. J'aurais peur peut-être pour la suite des choses dans l'enclos des partants par la suite, mais on va voir comment ils vont se débrouiller cette année. Jonathan Rickroy, c'est une addition exceptionnelle derrière le marbre. Et puis bon, ils vont voguer au moins pour 500. Alors, dans ces cas-là, moi, j'avais presque prédit qu'on aurait évidemment champion de division et peut-être quelque chose qui peut ressembler au meilleur deuxième dans la même division. Moi, c'est dans cette division-là que je le vois, le meilleur deuxième. Et bon, si les lanceurs de Los Angeles, dans l'Ouest, décident de lancer à hauteur de leur talent et surtout d'éviter les blessures, on peut avoir d'excellentes saisons. Évidemment, avec Richard, et puis avec Schumacher. Exactement. Ouais. Donc là, on a quelque chose de bon. Et bon, la force des Angels sera toujours le bâton. Et lorsqu'on arrive avec Mike Trout et compagnie, les points vont rentrer. C'est quand même moins vrai que c'était, mais quand tu as un MVP presque sempiternel, MVP. Oui, exactement. Et puis, en défensive, ils sont extraordinaires. S'ils peuvent réussir à enlever Yonel Escobar en quelque part, ils voulaient peut-être l'amener au premier but. Ce serait peut-être une idée. Mais c'est sûr qu'avec Aldrinton Simon à leur recours, là, il n'y a plus rien qui passe ou presque. Ça va être très bien. Et bon, Oakland avec leur Moneyball vont finir dernier comme d'habitude. On n'y croit plus. Il n'y a plus grand joueur qui sort de ce fameux Moneyball-là et qui peut nous montrer à chaque année. Et puis de toute façon, même le Moneyball, on pourrait en reparler, mais même à l'époque où ça fonctionnait, il ne faut jamais perdre de vue la qualité des lanceurs partants qu'il y avait à cette époque-là. Oui, oui. Et il y avait quand même des gros frappeurs qui n'avaient rien à voir avec Moneyball, ultimement. Ce que le film a malheureusement évacué trop rapidement. Complètement. Oui. Alors, Philippe, on se retrouve pour la deuxième partie et on va parler des nouveautés, ou en tout cas de la vitesse du match dans les ligues majeures. En tout cas, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus dans les derniers mois. On va en parler vite fait. If I pitch, can you catch? Will you hold the ball? When you step to the plate, will you swing and fall? If you play, you gotta know how it's done. Can you catch? Can you hold a hard one? I mean, baby, do you know the game? I mean, baby, do you know the game? I'm a big league pitcher. Can you catch the hurl? Depuis le début de 2017, on parle beaucoup d'accélérer la vitesse des matchs. C'est pas une nouvelle proposition, c'est là depuis très longtemps. Mais là, le commissaire et les penseurs des ligues majeures semblent vouloir apporter quelques changements. Et le changement, peut-être un peu anodin, là, mais celui qui a pris le plus de place dans les manchettes dernièrement, c'est d'enlever systématiquement les quatre lancers qui devaient être faits pour donner un but sur balle intentionnel. C'est, à mon sens, une bien drôle de décision. À partir... Je suis peut-être trop puriste, là, Louis-Martin, mais moi, non. La balle est en jeu, tu lances la balle, il faut que tu l'attrapes. C'est la base même du jeu. Je trouve, enlever ça, c'est enlever la base même du jeu. Pour retirer quelqu'un, il faut que tu aies la balle en contrôle. Pour tout se joue là. Alors, c'est pour moi, c'est dénaturer le baseball. À ce niveau-là, alors, c'est le même principe qu'un retrait sur trois prises sur élan quand le receveur n'attrape pas la balle. Mm-hmm. Pour moi, c'est de la même logique. Ouais. Non, il faut que le receveur ait le contrôle de la balle pour pouvoir retirer l'individu. C'est pour ça qu'il peut courir au premier but, le frappeur. Mais pour moi, le but sur balle intentionnel, c'est la même chose. Et qu'est-ce que ça va sauver exactement? Il y en a un par match, deux par match. Et parfois pas du tout. Et parfois pas du tout, c'est ça. Ce qui va m'amener peut-être à dévier vers le sujet où je trouve quand même un peu paradoxal d'avoir insisté fortement pour amener les reprises vidéo dans les matchs il y a quelques années de ça. Et en forçant l'idée des reprises vidéo, malgré que les avis étaient très partagés, on a allongé clairement le match. En plus, on a amené des aberrations. C'est-à-dire que très souvent, peut-être au moins dans 20% des cas, on va voir les arbitres aller vérifier à l'extérieur, ou en tout cas à l'intérieur de l'abri, pour communiquer avec New York, avec les endroits où on fait la vérification. Ça prend du temps. Pensez-là, on a le temps de voir toutes les reprises à la télé. Les commentateurs et même les spectateurs, nous, on a le temps de se faire une idée. On voit très bien qu'est-ce qui est arrivé. Oui, complètement, la décision est prise. Et souvent, on sort et puis on rend malgré tout la mauvaise décision après 5 minutes, en fait, on 10 se minutes d'arrêt. À quelles images ils ont accès, parce qu'on peut, on comprend pas la conclusion. Au hockey, ça arrive beaucoup moins. Enfin, en général, on a le sentiment qu'on a les mêmes images que les arbitres, donc les décisions sont quand même, en général, sont bien faites. Ouais. Mais au baseball, il y a quelque chose qui subsiste. Je ne sais pas si dans le lien visuel entre New York et ce qui se passe à ESPN ou à Fox, on a vraiment des caméras différentes, mais... Et on sent que dans au moins une fois sur cinq, mais ou des fois une fois sur quatre, c'est le mauvais la mauvaise décision qui est rendue. C'est un peu absurde. Surtout que là, ben on fait passer les officiels pour des gens plus ou moins compétents à ce moment-là. Oui, donc ça les fait mal paraître. Et les officiels eux-mêmes devraient, d'après moi, revendiquer en tout cas au moins une meilleure coordination ou avoir. Ils le font peut-être. On ne sait pas tout ce que l'association des arbitres fait, mais ils devraient avoir leur mot à dire là-dedans. En tout cas, disons qu'à partir du moment où on a allongé grandement ces droits de reprise-là pour s'assurer, en quelque sorte, qu'il y ait un peu plus de justesse. Ouais. Et bon, parfois, c'est vrai, parfois, c'est pas nécessairement valable. Ouais. On va voir la mais reprise en fait, et puis... Moi, ce que je trouve ridicule aussi, c'est que c'est anti-spectacle. Ce que je veux dire, pour moi, ça a toujours fait partie d'un spectacle sportif. Oui. Une mauvaise décision d'un arbitre. Oui, tout à fait. Pour moi, ça fait partie du sport, c'est inhérent au sport, il faut vivre avec ça. On va en parler pendant 100 ans après. Mm-hmm. Mais maintenant que la vie des gens subit des impacts, surtout, je dirais, monétaires, extrêmement importants, à la suite d'une victoire ou d'une défaite, tout peut changer pour le contrat d'un joueur, pour même une franchise qui peut perdre des millions suite à un mauvais choix d'arbitre. Eh bien, à ce moment-là, je pense que la pression de cette planète argent-là était beaucoup trop forte. Effectivement, on l'entend souvent, cet argument-là, mais moi, j'aimerais voir... Donnez-moi un exemple. Mm-hmm. Ben, peut-être 1985, lorsque la décision premier but a renversé complètement la série au profit de Casey. Oui, mais les deux équipes étaient déjà en série mondiale. L'argent était fait. C'est ça. Ben, c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Oui, tu as raison de cet argument-là. D'être sceptique, je pense. Et puis, bon, pour peut-être ajouter un peu plus de rythme à un match, il faudrait voir aussi comment les statistiques avancées ont changé la perception qu'on a maintenant de la relève. Oui. Donc, le fameux phénomène de bullpenning, tel que est décrit un peu partout sur les sites où on parle de statistiques avancées. Les lanceurs partants sont en train de disparaître. C'est ça. Amène l'idée qu'on devrait utiliser, en tout cas, ne serait-ce que dès la cinquième manche, ou au moins deux fois l'ordre des frappeurs passés, tout de suite des releveurs. Et même, il y a des théories qui sont pas si folles que ça, entre autres qui ont été bien vulgarisées dans le dernier livre de Brian Kenny, où on parle vraiment de l'idée de faire lancer un releveur, ou en tout cas ce qu'on appelle un lanceur de courte durée, dès le début du match, et de le retirer après qu'il ait vu une fois chaque frappeur, au profit d'un lanceur de plus longue haleine, qui lui pourrait presque terminer le match, en tout cas amener ça jusqu'à... Ou à tout le moins deux fois le tour des frappeurs. Jusqu'au closer, exactement. Ce qui n'est pas exagéré non plus. Non plus. Et ça nous amène quand même un allongement du match important. Oui. On a pu voir dans le dernier match de l'année dernière, en série mondiale, il n'y a pas eu que le 20 minutes de petite pluie là, qui a allongé ce match-là. Il y a eu l'over-coaching, comme on appelle, deux coachs ont commencé à gérer de façon totalement, ben pas totalement différente, mais assez différente de ce qu'ils faisaient en saison régulière. Oui. Pas inintéressant. C'était pas totalement impertinent non plus. Non plus, mais c'est pénible pour le spectacle. Ouais, et par moments, on a aussi envie de la performance à l'ancienne, à savoir un lanceur partant, tu as eu de la difficulté, mais non, c'est toi qui vas s'en sortir. Donc, je suis pas prêt à dire que je préfère la vieille mentalité. Je pense pas qu'il faut empêcher le baseball d'évoluer. Peut-être que ça va être intéressant de voir 6 lanceurs dans un match, mais à ce moment-là, il faudrait trouver une manière de le faire, peut-être de le réglementer un peu pour que ça devienne... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Philippe, pour contrer peut-être les artisans là, justement des statistiques avancées qui disent que mathématiquement, dans la logique des choses, selon les pourcentages, si on faisait lancer 4 lanceurs de relève, on aurait de meilleurs succès que le lanceur partant, et surtout qu'on économiserait les bras et qu'on dépenserait moins d'argent parce qu'il y aurait des moins grands contrats. Un gars qui lance 2 manches 60 fois dans l'année, on paye ça moins qu'un gars qui fait 30 départs. Ah, c'est une colle. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. C'est une colle parce que ça ne veut pas dire que le spectacle serait moins bon. Ça va nous donner d'autres statistiques à analyser. Ça va nous donner un autre plaisir du jeu. Mais ça va nous enlever ce que je disais tantôt, le vieux plaisir de voir un lanceur trimé dur pour s'en sortir. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ça. Je pense qu'il y a un côté de moi qui veut pas dire « Ah, dans le temps, c'était mieux. » Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faudrait arriver à un règlement? Réduire le nombre de lanceurs dans une équipe ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu peux arriver avec un règlement qui dise, par exemple, ton lanceur est obligé de lancer les deux tiers des manches? À ce moment-là, on va voir des blessures. Ou des fausses blessures. C'est ça. Ah, je pense qu'on s'en sort pas. Va être obligé de passer par là où le baseball veut bien aller. Le jeu va se définir peut-être par les équipes qui oseront utiliser des stratégies comme ça. Et ce qu'on a vu entre autres avec les Pirates de Pittsburgh qui sont arrivés en 2013 avec une toute nouvelle approche de positionnement et qui ont mis fin à 20-quelques années de défaites. Et après ça, tout le monde a suivi. Alors là, on va voir avec ces fameuses... On verra probablement Cleveland cette année l'utiliser beaucoup. On verra peut-être même les Cubs utiliser beaucoup. Oui. Et puis on verra qu'est-ce que ça vaut. On pourra en parler tout au cours de la saison finalement. Un Clayton Kershaw, c'est irremplaçable. Ah, on veut ça 9 manches s'il faut. Oui. Tired of blue. I said, woo, by the blues. If you're looking for a hero, exciting and new, there's a boy in Oakland named by the blue. He throws a fastball like it was shot from a gun. Everybody's talking that he's number one. That's by the blue. He's good looking, throws BBs too. Still a youngster, yes, he's just a boy. But let me tell you, he's the real McCoy. He turns it loose, inside and high. Before the hitter blinks, that ball has gone on by. That's by the blue. Woo, that pole catcher, he needs a bigger mitt. Now all the kids and their parents too are rooting hard for by the blue. They've heard of Fella and Koufax and all the rest, but this kid from Oakland could be the best. That's by the blue. By the who? By the blue. That's who? He's dynamite. Out on the field, day and night, by the shows the world he's out of sight. Yastrzemski and Gase Brown too, they can't buy a hit all by the blue. He's a lefty, he hums and heels. Those poor hitters, they've got the by the blue. Comme dernier segment, on va prendre quelques minutes pour parler, entre autres, à ceux qui aiment les poules. Puis on essaie de le faire de temps en temps, régulièrement, dans le fond. Et là, c'est quand même c'est le temps de choisir aussi. Là. C'est un moment important de la saison. En fait, moi, je connais pas beaucoup de gens qui aiment le baseball, qui aiment pas les poules. C'est un mariage parfait. Oui, c'est un mariage parfait, effectivement. Les gens qui suivent le football te diront un peu la même chose aussi, peut-être. Mais ça semble être moins une tradition. Mais moi, j'aime mieux regarder le baseball que faire mes poules. mais on va quand même essayer de proposer, on ne va pas dire conseiller parce que ça fait paternaliste, mais on va proposer aux gens des joueurs qui pourraient malheureusement passer sous le radar si on n'a pas pris notre temps pour faire nos devoirs avant de faire notre draft, comme on dit, en bon québécois. Et puis, ces joueurs-là, ta philosophie est un tout petit peu différente de la mienne, mais ça se rejoint un peu en finale. Ouais. Toi, t'es allé comment, toi? Moi, comment j'ai fonctionné, c'est que je me suis bâti quelques équipes et j'ai essayé de noter les joueurs que, peu importe la ligue dans laquelle j'avais inscrit mon équipe, les joueurs qui étaient presque toujours disponible dans les deux dernières rondes, que je trouvais pas ça normal qu'il le soit encore. Alors, j'ai pointé comme ça trois joueurs que j'aurais pu, même à la rigueur peut-être, ne même pas repêcher et aller chercher sur ce qu'on appelle les waivers. Donc, c'est ça. Alors, ça m'a sorti trois noms comme ça. Des gens qui pourraient se retrouver même au repêchage dans des ligues, disons, 8, 10, 12 joueurs, entre autres. C'est ça. Moi, je suis allé plutôt en regardant, ça ressemble un peu, mais je suis allé regarder la moyenne des rangs de repêchage de chacun des joueurs. J'ai trouvé des tableaux qui me faisaient un beau calcul scientifique. Alors, c'était bien intéressant. Et j'ai regardé les joueurs qui, selon moi, étaient pris beaucoup trop loin dans le processus et qui pouvaient facilement valoir des joueurs qu'on aurait repêchés 4-5 rangs plus tôt. Ouais. Alors, ou même des oubliés. J'ai même un nom qui va passer probablement en dessous du radar dans la grande majorité des sélections cette année. Oui. Alors, je vais vous en parler. On va y aller avec les joueurs de position en premier. Parfait. Et puis, toi, t'en as trois. Et puis, ils plus sont... deux que trois. C'est ça, mais plus deux. Voilà. Mais disons deux avec un petit bonus ou un petit supplémentaire. Alors, vas-y avec ton premier. Mon premier, c'est relativement simple. C'est Jurickson Profar avec Texas. Pourquoi? Parce que, je suis d'accord avec tous les bémols qu'il peut avoir sur Jurickson Profar. Il a presque pas joué de baseball pendant 2 ans. Oui, c'est un top prospect, ça, mais de là à ce qu'il ne soit même pas repêché. Alors que moi, je trouve qu'avec mon dernier choix, j'ai réussi à le prendre dans toutes mes équipes. Il peut jouer toutes les positions. À part le receveur. À part le receveur et le lanceur. Et si par chance, il réussit à éclore à la moitié de ce qui était prévu, eh bien, c'est une prise magnifique. Parce qu'on peut assez facilement, il peut aller dans le 15 à 20 coups de circuit. 10 à 15 buts volés et qui sait s'il n'aura pas une moyenne de 2,80. C'est trop beau pour ne pas le prendre avec son dernier choix. Moi, mon premier joueur de position, c'est mon seul dans les trois choix. Je suis allé plus peut-être vers des lanceurs. On sait que Profar, ce sera probablement dans le champ gauche au Texas. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui va patrouiller le champ centre dans une équipe. C'est l'équipe qui est presque oubliée à ce moment-là. C'est les Brewers de Milwaukee. Oui. Et il y a quelqu'un qui est apparu l'an passé, Keon Buxton, un des deux Buxton, qui a eu un début assez houleux, une moyenne en dessous de 200. Même si on pouvait remarquer une certaine puissance, il a vraiment pas eu sa part du lion l'an passé. Il est arrivé tard, évidemment, c'est des rappels de septembre. Il a réussi quelques catchs extraordinaires, alors que je pense qu'il va être un bon joueur de champ. Mais là, regardez, entre autres, son bâton cette année. C'est sur le point d'éclore. Si jamais vous le repêchez et vous êtes un peu déçu de cette année, assurez-vous que ce sera peut-être même un keeper pour les prochaines années. Alors, si vous faites des pools dans lesquels il y aura des keepers dans les prochaines années, Keon Buxton peut vraiment être à regarder. Et je me dis que dès cette année, s'il est prêt déjà à faire une belle saison, il va nous en donner au moins une vingtaine de circuits et avec une vitesse aussi. Oui, donc, ça ressemble un peu à Profar, mais avec plus de puissance. Oui, et il y a un peu moins de points d'interrogation que Profar. Exact. Lui, il va jouer. S'il ne se blesse pas, il va probablement jouer. Et ce qui est intéressant avec Buxton, c'est qu'il est dans le top 5 pour la vitesse du bâton présentement dans les majeures. Et ça veut toujours dire habituellement soit beaucoup de line drives, entre guillemets, donc de flèches et ou de circuits. Alors, je pense qu'on peut le suivre, tout comme son collègue dans un autre niveau qui est un peu plus connu, Domingo Santana aussi. Parfait. Eh bien, moi, écoute, on est dans le même état d'esprit parce que moi, mon deuxième joueur de position, c'est Byron Buxton. J'ai toujours affectionné, moi, quand je fais des pools, j'ai toujours affectionné ce qu'en anglais, ils appellent les post-hype. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de hype sur Buxton il y a 2 ans. Comme pour Profar, oui, qui était un des top prospects. Il n'a pas réussi à faire le club l'année passée. Il y a 2 ans plutôt. L'année dernière, il a réussi à jouer, mais il a été renvoyé dans la Ligue américaine. Il est revenu. Les gens ont commencé à l'oublier. Pourtant, plus la saison avançait, meilleur il était. Et sans avoir eu 300 apparitions au bâton l'an passé, il a quand même, dans l'anonymat le plus total, il a quand même eu 10 circuits et 10 buts volés. Mm-hmm. Moi, je pense, et il était, on s'entend, il est repêché dans presque toutes les ligues, mm-hmm. mais très tard. Et moi, je suis à peu près convaincu que Byron Buxton, si on suit sa courbe d'apprentissage, a des bonnes chances cette année de faire 20 circuits et 20 buts volés. Oui, donc ça peut être un top 100 voltigeur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas de Noah Buxton, ils sont dans probablement la dernière équipe des deux divisions centrales. Ah oui, oui, complètement. Et puis, ben, ils n'ont aucune compétition. Non. Alors, pour les déloger de là, je ne sais pas quel vieux has-been se pointerait. Là. Ces équipes-là n'ont aucun intérêt à faire jouer un vieux joueur à leur place. C'est ça. Et sachant que Michael Kodaya est à la retraite, ben, je pense que ça va bien se faire cette année. En tout cas. Oui, oui, tout à fait. Moi, mon deuxième choix, je vais tout de suite aller dans les lanceurs. Fait que je vais te forcer la main pour ton prochain. Pas de problème. Ce cas-ci, on en a entendu parler beaucoup. Là. C'est pas un secret pour personne. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le rang auquel il va sortir dans la plupart des sélections. C'est quelqu'un qui sera appelé à sortir beaucoup plus loin que sa véritable valeur cette année. Et comme je parlais précédemment de Seattle comme une bonne équipe, une équipe qui devrait clairement jouer au-dessus de 500, eh bien, si on regarde le fait que le roi Félix n'en est plus dans les meilleures années, on aura besoin de James Paxton. Et James Paxton s'est complètement réinventé. Après des blessures autant personnelles sur un problème de confiance assez fort, on pourrait dire le syndrome Zach Greinke un petit peu, eh bien, il s'est réinventé autant mentalement que physiquement. Il a changé aussi sa motion et il n'a jamais eu une aussi bonne balle rapide. Il lançait présentement autour de 96 milles à l'heure au 1er mars. Là. Donc là, on est vraiment vers quelqu'un qui va pouvoir peut-être retourner à un niveau de domination, en espérant qu'il va lancer toutes ses manches. Mais on s'entend tout à fait sur James Paxton. Moi, ça fait 3 ans de suite que je le repêche en étant convaincu. Cette année, j'ai eu un petit peu plus de difficultés à le repêcher parce qu'il y a des gens, je pense, qui partagent notre point de vue. Oui, mais, mais effectivement, il part tant. Ce gars-là a un talent incroyable. Exact. Il est gaucher. Oui. Il est grand, puissant. Il n'est pas si vieux que ça, même s'il a passé malheureusement un peu trop souvent sous le bistouri. Mais ce qui est bien de voir avec Paxton, c'est que sa balle rapide étant aussi intéressante, on va voir beaucoup de retrait au bâton. Oui. Et là, ça va, si vous avez évidemment un 5x5, un pool, ça compte à ce moment-là. Oui, puis ça, c'est un must. Et moi, le lanceur, ben, on dans la même logique du post-hype qu'on disait tantôt. Mm-hmm. Depuis presque 5 ans, on en entend parler comme un des bons jeunes lanceurs du baseball, c'est Taijuan Walker. Et les gens ont semblé, en fait, parce que moi, j'ai réussi à le repêcher, Taijuan Walker, en dernière ronde de toutes mes équipes. En dernière ronde, mon dernier lanceur repêché. Ce que je trouve très étrange parce que il a toujours été identifié comme un top prospect dans le baseball. Il a été blessé. L'année passée a été sa seule saison complète. Et il n'a pas mal fait, mais les gens l'ont oublié parce que c'est en deuxième moitié de saison qu'il est devenu plus stable. Et quand on regarde ses chiffres finales, on s'entend, ce n'est pas des chiffres d'une super étoile, mais c'est clairement des chiffres d'un lanceur qui est en progression. Et considérant d'où il vient et le talent qu'il a, moi cette année, je n'ai aucun problème. Je suis mort de rire de l'avoir repêché. Donc, ça peut être un bon sixième partant dans les poules à 12 équipes. Tout à fait. Et ça peut être un excellent quatrième dans les poules à 16 équipes et c'est plus. C'est ça, là. Exactement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais aller du côté d'un joueur qui risque de passer sous le radar, mais qui, pour moi, a une certaine valeur. C'est-à-dire qu'entre autres, si vous faites des poules dans lesquelles on va valoriser les victoires, évidemment, les retraits au bâton, et peut-être même ce qu'on appelle les holds maintenant, soit hold dans la formule hold plus save ou dans la formule hold tout court, ben, il ne faut surtout pas passer à côté de Brad Hand. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont préparer leur pool en se jetant doucement sur Andrew Miller, qui est une version assez extraordinaire d'un lanceur qui va se lancer peut-être autour de 90 manches et qui va accumuler peut-être 110-120 retraits au bâton. Eh bien, ce qui est très drôle, c'est que Braden risque de faire à peu près la même chose, mais pour une très mauvaise équipe. Donc, il est perdu à San Diego. Et Braden a développé une balle glissante qui est presque identique à celle d'Andrew Miller. C'est un ancien lanceur partant lui aussi. Et l'an passé, il a mené les majeurs pour le nombre de présences pour un lanceur de relève. Alors, on l'a vu au-dessus de 85 fois et il a réussi 111 retours au bâton l'an passé. Alors, est-ce qu'il pourrait descendre, ce chiffre-là peut descendre, effectivement, ça se tourne autour de 95 à 100 cette année, ça pourrait être tout à fait correct aussi. Et là, vous allez avoir dans une place où on met les releveurs, quelqu'un qui va vous faire 100 retours au bâton. Comparativement, un très bon stoppeur qui va en faire 50 en 50 manches. Oui. Là, vous venez de doubler vraiment, puis pour quelqu'un qui coûte rien. Moi, j'adore prendre ce genre de lanceur-là, surtout dans les ligues où les manches lancées sont ont un maximum. Oui, exact. Parce que ce sont des lanceurs qui donnent un beaucoup plus grand ratio de retrait sur trois prises par rapport aux manches qu'ils lancent. Oui. Donc, si vous avez un nombre de manches maximal, eh bien là, on les cherche, ces lanceurs-là. Il y en a quelques-uns. Braden fait partie de l'exception, probablement des cinq meilleurs. Mais ce genre de lanceur-là, on aime ça. C'est ça, et puis il va partir beaucoup plus loin qu'un Matt Bush, disons, qui va coûter peut-être même un vrai choix. Je ne serais pas allé sur le balotage pour le repêcher. Donc, moi, je favorise vraiment Braden à ces lanceurs-là, surtout qu'il s'est clairement amélioré. On va voir ce que ça va donner contre des vrais frappeurs, là. Je pense qu'il va faire un bon bout dans les majeures. Attendez-vous pas à beaucoup de victoires. Les holds vont être relatives aussi au gain de l'équipe de San Diego, qui sera assez faible cette année. Peut-être une soixantaine de victoires dans le milieu. Mais en même temps, il risque de lancer dans toutes ces victoires-là. Ouais. Et il ne vous fera jamais mal au niveau de ce qu'on appelle le whip ou de la moyenne de points mérités. Donc, vous pouvez facilement le prendre. Tout à fait. Alors, c'est tout pour cette première édition de l'émission. Alors, j'espère déjà? Que... on a quand même jasé assez longtemps pour une saison qui n'est pas encore commencée. C'est vrai, hein? Alors, on se revoit le 15 avril prochain pour une autre édition, là, où on pourra parler vraiment des débuts là, des Ligues majeures. Début de saison. Année. Alors, merci beaucoup, Philippe. Merci, Louis. Merci de l'invitation. Puis, bye-bye à tout le monde et on vous revoit dans un mois. Bon baseball!